Backstage, les coulisses du son. En couleur, en concert, sur RQC. Vous écoutez Backstage. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous sur auditeur auditrice d'RQC 95 FM. Avec vous donc jusqu'à 10h30, Scream pour l'émission Backstage. Aujourd'hui, ben voilà, on va voyager vers les années 2002. Voilà, on va faire un très très long retour dans le temps, hein, mais quoique, ça fait quand même déjà 15 ans, et je vais vous présenter un album qui est vraiment sensationnel, et tout ça pendant une petite heure, on va en parler de cet album, et juste avant, on va faire comme d'habitude, hein, on va vous faire passer un extrait, et j'espère que vous allez découvrir cet album qui est vraiment superbe, voilà, donc j'espère que vous profitez aussi du bon temps, que vous êtes peut-être sur la terrasse, en train de prendre peut-être votre café, ou peut-être déjà au bureau avec le poste, pas sur son plus fort car il faut travailler et pas déranger les collègues, mais avec de la zik et de la très bonne zik, et ça vous la trouvez où? Tout simplement sur RQC. Donc on s'écoute le premier extrait, et peu après je vous parlerai de ce groupe et de savoir qui est derrière cette musique. Thank you. Alors je sais pas si vous avez pu reconnaître, hein, bon soit peut-être c'est les fervents connaisseurs de l'électro, de l'électropop qui a ont peut-être pu reconnaître, il s'agit tout simplement de Chemical Brothers, voilà, et là il s'agit de l'album Come With Me US qui est sorti US qui est sorti en 2002. Donc The Chemical Brothers est un duo de musique électronique anglaise fondé en 1992 à Manchester et composé de Tom Rowlands et de Dead Simmons. Ils ont marqué la vague du Big Beat avec des groupes comme The Prodigy ou The Fatboy Slim. Donc là, je vais vous parler un petit peu du début du groupe. Leur bio est assez courte, donc on va la faire assez découpée. Mais vous verrez, c'est super, super intéressant quand même. Hein. Début du groupe, c'est à la fac l'histoire de Manchester, que Tom Rowlands et Dead Simmons font connaissance en 1989. Peu après, ils commencent à mixer dans des clubs locaux réputés sous le nom de The Dutch Brothers. Grâce à leur talent, ils attirent rapidement l'attention et dès 1992, ils entrent en studio pour enregistrer leur premier morceau intitulé Song to the Siren. Succès au rendez-vous, le duo devient la coqueluche de la scène électronique britannique. En janvier 1994, ils sortent l'EP For 210 Century Sky qui ne fait que confirmer leur succès. Alors voilà, vous allez voir, c'est assez marrant quand même ce qu'ils font quand même en musique électronique. Moi j'apprécie très très très bien leur travail de Chemical Brothers. Vous allez voir, là on va s'écouter It Began in Africa. Donc c'est sur l'album, comme je vous ai dit, Come With Us, donc de Chemical Brothers. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM. Backstage, les coulisses du son. It began in Africa. Ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga Thank you. musique, tes sensations, ta génération. Voilà, quand même, c'est assez marrant de voir comme ça l'aisance qu'ils ont avec les samplers, de les mixer, de les faire rentrer dedans. En plus, là, donc, avec le titre qu'on vient de s'écouter, donc In Begin in Africa, on entendait des djembés. Avec, dans le fond, si vous avez pu reconnaître, il y avait aussi la panthère de Black Cat, de Janet Jackson. Il y avait plein de samplers. Franchement, un grand talent quand même, les Chemical Brothers. Alors, le 15 avril 1995, les deux compères sortent leur premier album intitulé Exit Planet Dust. Le groupe se rebaptise The Chemical Brothers avec, selon eux, un son plus agressif et puissant avec l'apport de voix. Leur succès international débute avec la sortie du single Life is Sweet. Le duo entame alors une tournée mondiale avec notamment en première partie Daft Punk, encore à leur début. Le duo récidive en 1997 avec son album Dig Your Hole dans la même sonorité techno, rock et big beat. Ce nouvel album confirme leur maîtrise de sonorité électronique, notamment à travers les singles Setting Sun, Electro Bank, Block Rocking Beat et The Private Psychedelic Real et confrères. À l'album, la première place des charts britanniques du 15 au 27 avril 1997. On va s'écouter un troisième extrait avec The Galaxy Boons, donc album consacré aux Chemical Brothers, de sortie en 2002, l'album qui s'appelle simplement Come With US Galaxy Boons. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est là. En couleur, en concert. Sur RQC. We'll be right back. Ah oui, ça change beaucoup quand même, hein, mais ça change que d'habitude, hein, l'électro. Voilà, donc c'était Chemical Brothers avec Galaxy Boons. Donc 2 ans plus tard, donc en 99, 2 ans plus tard, sort l'album Surrender qui compte 11 titres légèrement plus pop, l'électro et minimaliste. Ce nouvel opus se révèle finalement être, après quelques critiques, un succès mondial. Le titre Hey Boy, Hey Girl est joué dans, dans les clubs au Royaume-Uni et à l'étranger. Une autre chanson, Asleep From The Day, est utilisée pour une publicité d'Air France réalisée par Michel Gondry. En 2002, les Chemical Brothers sortent leur 4e album, Come With House, c'est celui qu'on écoute juste à l'instant, qui est plutôt apprécié du grand public. Richard Ashcroft du groupe The Verve, je sais pas si vous vous souvenez, hein, le mec qui se promenait dans la rue là, et qui arrêtait pas de bousculer les gens, ben, c'était The Verve, voilà. Il participe pour le morceau The Test. Parmi les autres singles issus de l'album, on trouve In the Beginning in Africa, celui qu'on vient d'écouter juste auparavant, Star Guitar, c'est celui qu'on va écouter juste après, Come With US, c'était le titre d'ouverture, The Test qu'on écoutera tout à l'heure, et American EP. Voilà, donc je vous parlais justement de Star Guitar. On va s'écouter ce titre donc, de l'album Come With US, donc des Chemical Brothers. Vous écoutez Backstage. On se voit bien sur le dance floor hein, avec les Chemical Brothers, avec Star Guitar, et ça donne aussi du peps comme ça. Et voilà, je tiens aussi à dire courage aux étudiants qui sont en train d'étudier. Peut-être qu'ils écoutent la ZIC en même temps. Il y en a qui arrivent et c'est bien. Là, vous êtes bien sûr branchés sur RQC 95 FM ou tout simplement, si vous n'êtes pas sur la bande FM, sur rqc.be, pardon, j'y arriverai. Alors, leur titre Midnight Madness a été mis dans la bande son de la simulation de Foot Pro Evolution Soccer de 2010, ainsi que dans la simulation de course automobile Midnight Club LA. On peut également remarquer l'omniprésence du morceau du groupe en fond sonore dans la plupart des reportages de l'émission Téléfoot sur TF1. Ils ont composé en 2010 la musique du film Anna de Joe White, avec comme acteurs et actrices Saoirse Ronan, Kate Blanchett et Eric Bana. Avant de continuer, on va s'écouter encore un extrait. On se fait plaisir aujourd'hui, il fait bon. On a envie d'écouter plein de musique et je pense à vous qui êtes au taf ou tout simplement qui, si vous êtes sur la route ou en train de nous écouter, peut-être dans votre jacuzzi aussi, pourquoi pas. Eh bien, on va s'écouter Oops des Chemical Brothers, donc un album consacré à Come With Us, sorti en 2002. Backstage, les coulisses du son. Again. voilà donc le cinquième extrait des Chemical Brothers de l'album Come With Us. Voilà, sorti en 2002. Alors, en 2011, il compose Dancing pour le film Black Snow dont, que l'on peut remarquer lors de la scène dans le club. Ce morceau ne fait cependant pas partie de la bande originale du film. Leur titre, Snoon, est également utilisé dans l'épisode 2 de la deuxième saison de Misfit. En 2012, il compose l'hymne officiel des Jeux Olympiques de Londres, UK 2012 Olympic Game, official song theme from the London Velodrome. C'est également durant cette année que sort leur premier album live, Dancing, enregistré durant un concert au Japon en 2011. Leur huitième album, Born In The Echo, sort en juillet 2015, à la fin de l'été. Il participe à l'Electric Zoo à New York. Après, je vous parlerai un petit peu de qui se cache derrière, leur date de naissance et tout ça, hein, et ce qu'ils ont fait ou quoi, mais ça sera très court, s'ils ont eu des Grammys, s'ils ont eu des choses comme ça. Et voilà, vous allez un peu en apprendre un peu plus sur les gens qui se cachent derrière les Chemical Brothers. Mais juste à l'instant, on va se faire un petit My Elastic Eye, donc extrait de l'album Come With Me. Come With, pardon, US, de Chemical Brothers, sorti en 2002. En couleur, en concert, sur RQC. 95 FM. Donc voilà, c'est toujours en compagnie de Scream pour l'émission Backstage consacrée à Chemical Brothers. Alors Tom Rolland, lui est né le 11 janvier 1971, il a 46 ans, à Kingston Upon Thames au Royaume-Uni. Il a suivi un enseignement à Manchester, à l'université. Donc, il a composé la musique, donc, comme je vous l'ai dit, de Anna. Hein. Et son groupe, ben, c'est Chemical Brothers. Il n'a exercé que dans Chemical Brothers depuis 1989. Ed Simon, lui, est né le 9 juin 1970. Il a 47 ans. Il est né à Herne Hill au Royaume-Uni. Pareil, à l'université de Manchester, c'est là qu'ils se sont rencontrés. D'ailleurs, je vous l'ai dit au début d'émission. Il a composé la BO pour Anna. Et son groupe, bah, c'est pareil, c'est les Chemical Brothers depuis 1989. Il a eu des récompenses au Grammy Award du meilleur album électronique dance, donc avec son ami Tom Rolland. Et il y a une troisième personne un peu dans l'ombre des Chemical Brothers, c'est Stephanie Dawson, qui elle est née le 12 mai 1973, qui a 44 ans. Elle est née dans le Wisconsin aux États-Unis. Elle est sous le label Bella Union. Elle a fait plusieurs groupes musicaux, dont Massive Attack, Snowbird depuis 2009. Et les Chemical Brothers. Elle a eu des nominations au NME Award de la femme la plus sexy. Voilà, donc je vous avais dit que je vous avais parlé un petit peu des membres. Ils ne sont qu'à, on va dire, à deux et de temps en temps à trois. Et puis bon, comme un peu dans tout ce qui est un peu électro-quoi, on a toujours des guests. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a Richard Ashcroft de Verve qu'on écoutera le titre tout à l'heure. Là, on va s'écouter tout simplement The State We're In, donc de Come With Me, dont des Chemical Brothers. Vous écoutez Backstage. Hard work, maybe, but too long now. Just wanna get back to you, boy. I've been searching, baby. Where to tell you how? Gotta get through. Searching, baby, where to tell you how. Ah, c'est pas mal comme ça, cette douceur et puis l'accélération, c'est vraiment bien foutu. Alors, Come With Me US, c'est le quatrième album du groupe électronique britannique de Chemical Brothers, sorti le 28 janvier 2002. Cet album, même s'il n'a pas connu pareil engouement au précédent de toutes, de même a été placé au top des charts britanniques de 9 février 2002. Au 15 février 2002, certifié disque d'or au Royaume-Uni et selon la note normalisée de Matricritic sur la base de 23 critiques a recueilli le score de moyenne de 72%. La chanson In the Beginning in Africa a été remixée en 2009 et jouée avec Nude Night, un inédit dans un petit live d'une dizaine de minutes. Le single live est sorti fin 2009. Tous les bénéfices récoltés ont été reversés à des associations caritatives en mission à Haïti après le grand tremblement de terre de cette même année. Alors sur la piste, on a Come With US, In Beginning in Africa, Galaxy Boons, Star Guitar, Oops, My Elastic Eyes, The State We're Here, Danmark, Pioneer Sky et The Test. Là, on va s'écouter Danemark. C'est pas du tout le pays, c'est Danemark. Et après, on se retrouve pour vous dire au revoir et écouter le dernier morceau. Ciao, on écoute d'abord Danemark. Backstage, les coulisses du son. Ben voilà les amis, il est bientôt l'heure de se quitter. Nous on va se quitter, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Backstage. Je ne sais pas encore avec quel groupe, quel chanteur, quel artiste, on verra bien, on découvrira ça le jour J. Donc nous on va se quitter, donc c'était consacré à Chemical Brothers, Come With US, sorti en 2002. Voilà, et nous on va se quitter avec le duo donc, qu'ils ont fait avec Richard Ashcroft, chanteur de The Verve. On va se quitter avec le titre Test, The Test. Ciao les amis, à bientôt et restez bien branchés sur RQC 95 FM. C'est Léon.